Bonjour et bienvenue à cette émission centrée sur la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Aujourd'hui, nous rencontrons Mario Fecteau qui nous parle un peu de sa carrière. Je suis un auteur québécois qui écrit en ce moment du roman jeunesse. Quelle est ta plus grande qualité? La persévérance. Et ton plus gros défaut? Je suis un peu paresseux. Ta formation académique? Je suis diplômé de l'Université de Sherbrooke en études françaises. Quelle est la première chose que tu as écrite? Quand j'étais à l'élémentaire, j'écrivais parfois quelques petites histoires, juste une page par exemple, pour me divertir, mais ça n'a jamais été plus qu'un amusement. C'est les aventures de deux garçons russes qui venaient émigrer au Canada, ils découvraient le Canada, il y avait toutes sortes de petites aventures. Mais j'ai commencé sérieusement à vouloir devenir écrivain après avoir vu le film « La guerre des étoiles ». J'ai ensuite lu le livre à la bibliothèque et je me suis dit que c'est ça que je voulais faire. Alors j'ai commencé à écrire de la science-fiction. Cette date-là, c'est en 1978. Alors j'avais écrit un roman qui s'intitulait « Les pirates de l'espace ». Une histoire pas terrible, disons-le, mais je partais vraiment de très loin. D'où vient ton penchant pour les littératures de l'imaginaire? Mon penchant pour la littérature de l'imaginaire viendrait... évidemment, de la guerre des étoiles. Je regardais aussi, à l'époque, il y avait 2001 aussi l'espace. Mais c'est surtout que j'étais fasciné par les images des premiers hommes sur la Lune. Alors, la science-fiction que je faisais était une science-fiction spatiale. Et avec un élément science. Hein? J'étais toujours plus poussé sur l'élément science que sur l'élément fiction, oui. Effectivement. Par la suite, j'ai rencontré un professeur qui m'a suggéré d'écrire des nouvelles littéraires. Commencé dans des magazines. C'était en 1987 environ. J'ai écrit quelques histoires que j'ai envoyées à Solaris et Imagine. Et plus tard, j'ai découvert le fanzine Tanto, qui a accepté la plupart de mes histoires. Je crois que j'ai eu 11 récits sur les 12 nouvelles que j'ai écrites. Il y en a 11 qui ont été publiées dans le fanzine Tanto. Le 12e dans Octa, une revue belge. Les éditions de l'avenir présentent Quelle est verte ta vallée? Un texte de Mario Fecteau, paru à l'origine dans Tanto, et lu par Ezoa, avec la participation de Christian Martin. Tu vis dans une belle vallée. À l'est et à l'ouest, le sol grimpe en pente douce et semble toucher le ciel. Au sud comme au nord, une barrière rocheuse referme la vallée. D'une caverne de la falaise nord jaillit une rivière qui serpente dans la plaine enchâssée, puis se jette dans un petit lac. Elle reprend ensuite sa route vers le sud, jusqu'à la falaise bordant l'autre bout de la vallée, et la quitta jamais par une autre caverne. Au centre de la vallée, près du lac, il y a le village. Quelques maisonnettes bien modestes qui forment une charmante communauté rurale, comme celle que tu as déjà vue dans les livres d'histoire. Le village n'a pas de nom, ni le lac, ni la rivière. De telles dénominations ne serviraient à rien. Il n'y a que le village, le lac et la rivière. Tu vis ici, au milieu d'un petit groupe. Ici, tout le monde te connaît. Et toi aussi, tu les connais tous. Du boulanger au boucher, du menuisier au forgeron. Tu connais les fermiers qui font pousser la nourriture. Tu connais le doyen du village, qu'on appelle simplement le philosophe. Tu vis dans une belle vallée, et tu en as pleinement conscience. Mais tu n'es pas heureux. Ta vallée est une prison. Parce que tu sais pourquoi tu es ici, et tu sais pourquoi les autres s'y trouvent. Comme toi, ils ont dérangé les plans du dictateur. Comme toi, ils ont reçu l'étiquette de criminel. Là se trouve votre point commun, la raison pour laquelle on t'a jeté avec les autres dans cette vallée. Pour ne plus nuire au divin chef, tu es le dernier arrivé et tu t'étonnes. Tu te demandes pourquoi personne ne quitte la vallée. Il n'y a pourtant ni gardien, ni enceinte fortifiée, ni système de surveillance,

Tu attends le sarcasme, mais celui-ci ne vient pas. Le vieil homme te sourit, le regard plein de compassion. Tu devines alors que lui aussi est passé par là, sans doute lors des premiers jours de son incarcération, et les autres aussi vraisemblablement. Tu vis dans une belle vallée, bordée à l'est et à l'ouest par des pentes qui montent au ciel, et au nord et au sud par une paroi rocheuse. Ta vallée contient tout ce qui en fait un paradis. Il y a un lac et une rivière, une douce plaine et un petit village de jolies maisonnettes. Et tu sais, à présent, que tu ne peux la quitter. Comme les autres, le découragement te pousse à accepter ton sort. Tu comprends à présent, devant les merveilles de la vallée, ce que voulait dire le philosophe quand il affirmait qu'il existait pire que la prison. Tu le comprends parfaitement bien, et tu es complètement d'accord. Tu sais aussi pourquoi aucun d'eux ne tente jamais de s'enfuir. Tout est si bien ici que tu pourrais te croire libre. Et il est là le piège. Oui, il y a pire que la prison. Il y a l'illusion de la liberté. Et par la suite, je suis retourné vers le roman. Et là, il y a eu quelques années où j'ai même envisagé de devenir moi-même éditeur. Mais je crois que je n'aurais eu aucun talent dans ce domaine-là. La gestion et tout ça aurait été au-delà de mes capacités. Et puis en 2006, j'ai décidé d'écrire un roman jeunesse qui n'était pas de la science-fiction, une petite histoire médiévale. Je l'ai envoyé chez Boréal, qui l'ont accepté. Il a été publié en mars 2007, un roman qui s'intitule Gaylord. J'aurais de la difficulté à vous dire d'où vient l'inspiration, probablement du film Excalibur, parce que l'idée de cette histoire-là, je l'avais depuis plusieurs années, plusieurs décennies même en tête. Ah ouais. D'ailleurs, j'ai retrouvé, il y a quelques années, une feuille sur laquelle j'avais écrit des notes, à peu près au début des années 80. J'avais l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelait Gaylord, qui trouvait un dragon. Alors, c'est singulier d'imaginer qu'avec cette idée-là, j'ai fait non pas un, mais bien deux romans, puisque mon deuxième roman, L'envol du dragon, c'est un jeune garçon qui adopte un dragon. Alors, demanda Bullywiff, que faisons-nous? Bullywiff regarda son frère et attendit. Jusqu'à récemment, Lef avait toujours trouvé une activité intéressante pour occuper leurs loisirs. C'est avec son aîné que Bullywiff avait découvert la région. De leur ferme au pied de la pente abrupte, fermant le fjord, jusqu'au village au bord de l'eau, Dagonberg. Ils avaient souvent grimpé les pentes abruptes de la vallée jusqu'aux neiges éternelles, exploré des grottes, souvent étroites, leurs parois toujours froides et humides. Lef resta silencieux, fuyant le regard de son cadet. Ce dernier songea une fois encore que, même s'ils étaient frères, Lef et lui se ressemblaient assez peu. Grand et mince, Lef avait hérité des cheveux blonds de sa mère, alors que Bullywiff, petit et trapu, des cheveux sombres et des yeux bruns, aurait presque pu passer pour un habitant du sud lointain. C'était assez rare chez les Vikings. Personne ne s'était jamais moqué de lui à cause de son apparence, et si Bullywiff s'ennuyait, c'était parce qu'il n'y avait pas d'autres enfants avec qui jouer. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui et poursuivrons demain notre entretien avec Mario. Je rappelle que la version audio de « Quelle est verte ta vallée, une nouvelle de Mario » est une production des Éditions de l'Avenir. Ezwa en était la narratrice. Elle est disponible à l'aveniraudio.canalblog.com. Gaylord et l'envol du dragon sont publiés aux Éditions du Boréal que vous retrouverez à www.editionboreal.qc.ca. Merci de votre attention. À bientôt.